Voici votre bulletin régional. Dans le cadre de la balade des arts du Haut-Saint-François, les artistes seront dans leur atelier pour vous recevoir les 23 et 24 juin de 10 à 16 heures. Ainsi, vous pourrez visiter Anne Bergeron, l'animatrice de Les Belles Rencontres à Dodwell, Janine Bourret, Pierre Casey, André Pelletier et Chantal Gauvreau à Whedon, Françoise Eusena à Istinguis et Pierrette Roy à Bishopton. On fête la Saint-Jean à Istinguis le 23 juin à l'Aréna Robert-Fournier. Les festivités débutent à 18h pour se terminer à 1h. À Lingwick, les célébrations de la Saint-Jean se dérouleront au pont couvert McVitie-McKenzie de 17h à minuit. À Ascot Corner, les célébrations de la Saint-Jean se déroulent au parc Pomerlo à partir de 14h. À Scotstown, on fête la Saint-Jean au parc Walter McKenzie le 23 juin dès 16h30. Les festivités de la Saint-Jean débutent à 18h à Whedon, au terrain des loisirs de Whedon, le 23 juin. Le lendemain matin, 24, 10h, messe à l'église et volée de cloche. En cas de pluie, les activités du 23 seront remises au 24, sauf le spectacle des chansonniers. Du 25 juin au 14 août, service d'animation estivale et cours de natation à Istinguis. Du 25 juin au 16 août, ouverture des piscines municipales de Istinguis. Au parc Nicole, de midi à 19h30, et au parc de la Rive-Sud, de 10h30 à 18h30. Du 25 juin au 27 août, tous les jeudis à 19h30, les concerts de la gare se tiendront à la vieille gare du papier, au 221 rue Saint-Jean-Ouest, Istinguis. Le premier spectacle présentera le groupe Orphéon, populaire, 11 musiciens sur scène.